Et dans ce dernier droit de l'émission aujourd'hui, Raymond Poirier de l'Institut de technologie et de l'information et société est avec nous. Bonjour. Allô Raymond. Ah ben fait, ça va bien de ton côté? Ben oui, mais oui, oui. Je vais très bien. Et aujourd'hui, tu nous parleras de l'état des lieux mondiaux. Exactement. En fait, il y a un rapport très intéressant fait par le Forum économique mondial qui a été publié tout récemment et qui fait justement un petit survol de la situation en matière de technologie de l'information un peu partout dans le monde, qui positionne aussi les pays et les régions les unes par rapport aux autres et qui amène aussi plusieurs réflexions. J'ai trouvé extrêmement intéressante, extrêmement stimulante à proposer justement aux auditeurs, auditrices. Petite note d'emblée, si jamais vous avez envie de mettre la main sur ce rapport-là, vous pouvez tout simplement aller sur le site itis.ulaval.ca. Dans la section revue de presse, allez sur cette semaine, il est dans les premiers liens qu'on vous propose. Alors, on le retrouvera. Et ben, où se positionne le Canada, peut-être d'emblée, on est pas mal positionné en matière de technologie de l'information. On a tout de même reculé d'un rang, mais on est dans le top 20. On est en fait au 8e rang parmi les 138 pays qui ont été étudiés par le Forum. Nous devance en fait la Finlande, la Suisse, les États-Unis, Taïwan, le Danemark également. Il y a Singapour aussi et la Suède qui, eux, se positionnent très, très bien, première et deuxième position. Alors, le Canada qui a reculé d'un point parce que, justement, Taïwan a avancé. Il faut dire que, de manière générale, d'ailleurs, les pays asiatiques se positionnent assez bien, en fait, et améliorent largement, en fait, leur position comparativement aux années précédentes. C'est d'ailleurs des éléments là, qu'on souligne. Bon, oui, il y a Singapour, oui, il y a Taïwan, mais il y a tous les autres également qui tranquillement s'améliorent. Reste que pour l'instant, il demeure que l'Europe est probablement la zone géographique mondiale qui présente les plus remarquables niveaux de technologie, d'intégration technologique. Il y a pratiquement 11 pays qui sont dans le top 20 de ce palmarès-là. Alors, c'est quand même pas rien. Parallèlement, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, eux, ils sont très, très peu, voire même trop peu. On peut comprendre aussi pourquoi, là. Effectivement, en fait, disons que les accès technologiques sont plus complexes parce que les moyens aussi ne sont pas là. Il y a une stabilité politique aussi qui rend la chose un peu plus difficile. Quand on n'a pas accès à l'eau, on a rarement accès à un ordinateur. Exactement, ou pas suffisamment, à tout le moins. C'est la Mauritanie, d'ailleurs, en Afrique, qui se positionne le mieux. Elle arrive en 45e position. Sinon, pour ce qui est de l'Amérique latine, on parle de la Barbade et du Chili qui sont en 38e et 39e position. Mexique, qui lui est en 78e position de ce palmarès-là. Ce qui est surprenant, effectivement, ouais. Parce qu'on dirait, OK, bon, les Amériques et le reste, c'est une des grandes économies des Amériques, mais au niveau technologique, il y a encore pas mal de manques à gagner. Mais ce que le Forum économique souligne, c'est que la prochaine décennie risque justement de voir peut-être un rebalancement de ce palmarès-là avec un amenuisement des disparités qu'on voit justement entre les différentes zones géographiques dans la mesure où les pays émergents, les économies émergentes vont devenir de plus en plus présentes sur la toile. Oui, probablement que les pays les plus avancés vont demeurer, vont rester présents, mais ils vont probablement se faire un peu plus, si vous me permettez le québécicisme, se faire à côté par les autres. Du moins, c'est ce qu'on prédit. Également, ce qu'on espère, c'est qu'avec l'amélioration dans la vitesse, dans la qualité d'Internet à large bande, avec les technologies Web 2.0 dont on a parlé dans les dernières semaines, eh ben normalement, il devrait aussi avoir beaucoup d'implications en matière de productivité, en matière d'opportunités. Et ce qui fait qu'en ce sens, eh ben pour des pays qui ont plus de difficultés au niveau social, au niveau monétaire, eh ben les technologies de l'information vont représenter une grande opportunité. À la limite, dans la lutte même à la pauvreté, dans la création de communautés virtuelles. Ce qu'on dit d'un côté, c'est avec justement les autoroutes digitales qui permettent le passage d'informations très rapide dans différentes zones, eh bien, ça va peut-être renforcer les liens un peu à la manière d'une véritable autoroute pour briser un peu l'isolement de certaines communautés, de certains secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'accès à l'information, que ce soit aussi au niveau des possibilités de commerce. Parce que on le voit de plus en plus, en fait, c'est possible de faire des échanges, de collaborer notamment avec des entreprises qui sont très, très loin géographiquement de nous, dans la mesure où ces accès technologiques-là sont présents. Et donc, ce que le rapport dit, c'est peut-être qu'avec cet élément-là, ben, qu'on va réussir aussi à rattacher, à ramener à proéminence un peu là, certaines zones en les mettant dans l'autoroute globale, surtout dans le contexte où, faire des réseaux de fils, c'est quand même assez cher. Mais parallèlement, il y a le mobile qui est peu dispendieux, facilement utilisable et qui peut permettre aussi un accès web viable, assez viable pour faire des affaires, pour faire du commerce. C'est vraiment un investissement. C'est un investissement et on le voit d'ailleurs de plus en plus dans certains pays là, où justement on commence à l'introduire, on commence à l'utiliser de manière peut-être un peu surprenante même. Il y a des postes dans certains pays, on a vu quelques images d'ailleurs, quelques reportages autour de ça, où les gens peuvent aller simplement avec une zone d'accès portable, communiquer avec leur téléphone, et finalement, ben oui, encore de difficultés à avoir de l'eau, mais en allant vers l'eau, ben il y a possibilité peut-être d'aller justement téléphoner, d'aller sur le web, d'aller se connecter. Alors, ça sera intéressant de voir cet impact-là, parce que c'est vraiment dans le rapport de cette année, puisqu'il en faut un par année, donc du Forum économique mondial, où on souligne vraiment, et on martèle peut-être un peu cette possibilité économique et sociale de la part des technologies de l'information. Même dans un contexte aussi d'accès aux banques, il y a un exemple qui était cité que j'ai trouvé assez édifiant à ce titre-là. C'est en 1994, il y a eu un tsunami dans les îles Maldives et ça a détruit complètement l'économie du pays, pas simplement au niveau structurel, mais c'est parce que la large majorité des citoyens et citoyennes n'avaient pas accès à des banques. Et donc, ils mettaient leur argent dans leur matelas, dans des coffres-forts, dans des coffres, dans des lieux qui ont été emportés et détruits par le tsunami. Donc, l'économie s'est retrouvée avec un manque d'argent assez imposant. Et si ces gens-là avaient eu accès à des banques mobiles, eh bien, il n'y aurait pas eu ce problème-là qui se serait posé parce que l'argent aurait pu être un peu plus virtualisé, entre guillemets. Et la question, justement, de la banque mobile va devenir aussi de plus en plus présent dans le développement des accès web. D'ailleurs, même ici, on le voit de plus en plus. Je pense que, on est un peu préhistorique, entre guillemets, lorsqu'on n'a pas un accès minimal à nos comptes, soit par téléphone ou ce soit par Internet. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui les utilisent. Alors, imaginons ce type d'accès-là généralisé à l'international. Bon, on voit aussi les possibilités qu'offre ce type de médium-là. Alors, un rapport donc bien intéressant qui souligne plusieurs points et qui dit aussi, au bout du compte, que il y aura peut-être d'autres changements qui vont être amenés dans la culture du web, qui est présentement très, très anglophone. Mais ce que le forum souligne, c'est qu'avec aussi l'arrivée d'autres économies, l'entrée massive de la Chine et de l'Inde sur Internet et sur les réseaux web, sur le web 2.0, le 3.0 et le reste... Eh bien, est-ce que l'anglais restera la langue Internet pour la prochaine décennie et au-delà? Et quel impact aussi à terme sera sur les cultures? Parce qu'on en est arrivé justement à une certaine étape avant une lancée vers une certaine mondialisation justement des échanges, une globalisation des possibilités de collaboration et le reste. Alors, quel impact ça pourra avoir également? Alors, plusieurs questions qui sont soulevées dans ce rapport. Je le rappelle, vous pouvez le trouver via etis.ulaval.ca. Le rapport complet qui fait à peu près 500 pages quand même. Donc, ça donne le niveau de détail dans lequel on le vole. donc ça, c'était mon premier élément en fait que je voulais amener cette semaine. Le deuxième, peut-être un peu plus brièvement, Tania, on a eu des très, très bonnes nouvelles à l'Institut et à l'Université Laval également par extension. Avec l'annonce des finalistes d'édition 2011 du concours des Octas. Qu'est-ce que les Octas? C'est ce que je l'ai te demandé. Je voyais ton regard interrogateur. En fait, c'est un concours qui existe depuis 25 ans, qui reconnaît et souligne l'excellence de l'innovation en matière de technologie de l'information au Québec, dans une pléiade de secteurs, il y a à peu près une douzaine de catégories. Et donc, l'idée, c'est vraiment de souligner et donc d'encourager aussi l'innovation. Avec ce type de technologie-là, de valoriser l'industrie québécoise, DTI également, et milieu de la recherche par conséquent. Et à l'Université Laval, on s'est retrouvé avec deux finalistes. Les deux, en fait, dans la catégorie apprentissage en ligne et gestion des connaissances. Mais en fait, il y a deux catégories selon le nombre d'employés qui travaillent au projet. Alors, notamment, il y a un centre de recherche qui s'appelle Forac qui a développé le jeu du bois, qui lui, donc, est finaliste dans cette catégorie. Il y a également un autre système qui s'appelle l'environnement numérique d'apprentissage, lui développé globalement par l'université, qui est également finaliste. Brièvement, en fait, l'environnement numérique d'apprentissage, pour les anciens de l'université, vous allez peut-être connaître un système qui s'appelle WebCité, dans lequel donc les professeurs pouvaient offrir des éléments, des compléments aux cours, une plateforme également qui était ouverte pour les cours à distance, par exemple. Et avec l'environnement numérique d'apprentissage, on va beaucoup plus loin dans justement ce type de classe virtuelle. Il y a des cours déjà qui sont offerts via cette plateforme-là. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres qui seront offertes également, l'imagine, au fil des prochaines années. Et pour ce qui est du jeu du bois, ça, on peut l'essayer d'ailleurs, si vous avez envie d'aller tenter le coup, c'est sur forac.ulaval.ca/jeu du bois, en un mot. Et essentiellement, c'est un jeu de simulation de chaîne logistique. Alors, l'idée, c'est donc de tenter de gérer la chaîne logistique du bois, de la récolte du bois jusqu'à la troisième transformation et de comprendre en fait la dynamique. Donc c'est un jeu didactique, on s'entend, c'est du e-learning comme on dit en bon français. On fait pas ça un samedi soir autour de la table. Non, pas vraiment. Je l'ai essayé, il est assez complexe, mais en même temps il reflète très bien justement la réalité et la nécessité de partage d'informations, d'échanges en ligne pour pouvoir bien gérer les ressources et bien gérer les ressources en fonction des besoins du marché, des besoins des différentes entreprises qui vont intervenir dans le cycle de vie d'un produit. Alors ça, c'est très intéressant comme jeu. Il est déjà d'ailleurs intégré par d'autres universités et des entreprises aussi qui l'ont intégré. Alors on verra si ces innovations-là seront reconnues, bien entendu, là, dans le concours des Octas édition 2011. Raymond Poirier, merci beaucoup pour cette chronique. Ça me fait plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine. En attendant, on peut consulter le site de l'Institut Technologie de l'Information et Société. Oui, je répète le site, itis.ulaval.ca. Merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir.